Le roi Alexandre, le fils de Philippe de Macédoine, avait un cheval que la forme de sa tête avait fait appeler Bucéphale. Ce qu'il avait de remarquable dans ce cheval, c'est que lorsqu'il était harnaché et préparé pour le combat, il ne se laissait jamais monter que par le roi. On raconte encore que dans la guerre des Indes, Alexandre, après les prodiges de valeur, s'étant précipité imprudemment au milieu d'un bataillon ennemi et se trouvant en butte à tous les traits, Bucéphale, qu'il portait, fut couvert de blessures à la tête et aux flancs, et que cependant, sur le point de mourir, épuisé qu'il était par la perte de son sang, il dégagea le roi du milieu des ennemis et parvint à le tirer du danger par la rapidité de sa course. Qu'aussitôt qu'il l'eut mis hors de la portée des traits, il tomba sur la place et, tranquille alors pour son maître, il mourut en paraissant consolé par la joie de l'avoir sauvé. Alexandre, après la victoire, qui mit une fin glorieuse à cette guerre, bâtit une ville sur le champ de bataille et l'appela Bucéphalie en l'honneur de son coursier.